souffert. Hein non. Tu l'as mérité celle-là. Hein non. Voilà. Ah, si tu l'as mérité. Ah, tu l'as cherché. Elle l'a cherché. Il y en a encore un peu là.